Le capitaine Fracasse, de Théophile Gautier. Adaptation Serge Martel. Réalisation Claude Chebel, Evelyne Frémy. Avec Éric Dufay, Sigognac, Isabelle Duby, Isabelle, Fred Persson, Le Tyran, Angelo Bardi, Blasius. Musique originale, Pierre-Max Dubois. Premier épisode, Le Château de la Misère. Sur le revers d'une de ces collines décharnées qui bossuent les Landes, entre Dax et Mont-de-Marsan, s'élevait, sous le règne de Louis XIII, une de ces gentilhommières si communes en Gascogne et que les villageois décorent du nom de château. Le voyageur qui eut aperçu de loin le castel l'eût jugé une demeure convenable pour un hobereau de province. Mais en approchant, son avis se fut modifié. Le chemin qui menait de la route à l'habitation s'était réduit, par l'envahissement des végétations parasites, à un étroit sentier. De longues plaques de lèpre jaune marbraient les tuiles désordonnées des toits. La rouille empêchait de tourner les girouettes. Sur les 12 fenêtres de la façade, il y en avait 8 barrées par des planches. Les vantaux de la porte semblaient rougir de leur état de délabrement. Un seul battant s'ouvrait et suffisait à la circulation des hôtes, évidemment peu nombreux du castel. Et, sans un mince filet de fumée qui sortait d'un tuyau de briques, on aurait pu croire le logis inhabité. C'était le seul signe de vie que donna la maison. Et nous sommes assez seuls ici, mon pauvre maître et moi, pour n'être pas insensibles aux caresses d'une bête dénuée d'âme, mais qui pourtant semble vous comprendre. Le soleil se couche et le ciel est gros de pluie. Plaisir, notre jeune baron peut-il trouver à se promener seul ainsi dans les Landes. Il est vrai que ce château est si triste qu'on ne saurait s'ennuyer davantage ailleurs. Oui, oui, Belzébuth, c'est notre maître, le baron de Sigognac, qui nous revient avec le chien Miro. Et la soupe est juste prête. Bonsoir, monsieur le baron. Bonsoir, père. Tu peux servir. C'est une soupe aux choux. Bien. Agrémentée d'un peu de lard. Bien. Voici le pain. Ah ! J'en suis encore à me demander comment tu fais pour nous nourrir chaque jour. Votre seigneurie est trop bonne. Oui. Oui, je vous entends. À toi, Miro. Ce morceau de pain graissé. Attrape. Hop. À toi, la couane, Belzébuth. Bye. Ce n'est que le vent et la pluie, Belzébuth. Rien d'autre qu'un temps d'automne. Sois sage. Et écoute plutôt ces vers de Ronsard. Je plante en ta faveur cet arbre de si belle, ce pin, où tes honneurs se liront tous les jours. J'ai gravé sur le tronc nos noms et nos amours, qui croîtront à l'envie de l'écorce nouvelle. Faune qui habitait ma terre paternelle. Mais qu'as-tu donc, héros ? Est-ce qu'un loup rôderait autour des murailles ? Père ! Qui peut venir à cette heure ? Qui demande à être reçu dans cette auberge de la famine ? Cigognac se trouva en face d'un personnage au nez duquel il porta sa lampe. Une assez grotesque figure se dessina sur le fond d'ombre. Un crâne couleur de beurre rance luisait sous la lumière et la pluie. Des cheveux gris plaqués aux tempes, un nez cardinalisé de purée septembrale s'épanouissant en bulbe entre deux petits yeux verrons recouverts de sourcils très épais, des joues flasques martelées de tons vineux et traversées de fibrilles rouges, une bouche lipue d'ivrogne et de satyre, un menton à verrues composait un ensemble de physionomies dignes d'être sculptées en mascaron sous la corniche du Pont Neuf. Une certaine bonhomie spirituelle tempérait ce que ces traits pouvaient présenter de peu engageant au premier coup d'œil. Daignez m'excuser, noble châtelain, si je viens frapper moi-même à la poterne de votre forteresse sans me faire précéder d'un page sonnant du corps, et cela à une heure avancée. Nécessité n'a pas de loi et force les gens les plus polis à des barbarismes de conduite. Que voulez-vous ? L'hospitalité pour moi et mes camarades, des princes et des princesses, des Léandres et des Isabelles, des docteurs et des capitaines qui se promènent de bourg en ville sur le chariot de Thespis. Lequel chariot traîné par des bœufs à la manière antique est maintenant embourbé à quelque part de votre château. Si je comprends bien, vous êtes des comédiens de province en tournée et vous avez dévié du droit chemin. On ne saurait mieux élucider mes paroles. Quoique ma demeure soit assez délabrée et que je n'ai pas grand-chose à vous offrir, vous y serez toujours un peu moins mal qu'en plein air par une pluie battante. Oh, que se passe-t-il, monsieur le baron ? Ah, Kerr, tu arrives à point nommé. Suis-nous avec ta lanterne. Le chariot de ces gens est embourbé dans notre mauvais chemin. Ils demandent l'hospitalité. Le renfort inattendu et surtout l'expérience de Pierre eurent bientôt fait franchir le mauvais pas au lourd chariot qui, dirigé sur un terrain plus ferme, atteignit le château, passa sous la voûte ogivale et fut rangé dans la cour. Les bœufs dételés allèrent prendre place à l'écurie. Les comédiennes sautèrent à bas de la charrette faisant bouffer leurs jupes fripées et montèrent, guidées par Cigognac, dans la salle à manger, la pièce la plus habitable de la maison. Pierre trouva au fond du bûcher un fagot qu'il jeta dans la cheminée. Je ne puis vous donner que le couvert. Mon garde-manger ne renferme pas de quoi faire souper une souris. Mais je vis seul, ne recevant jamais personne. Et vous voyez, sans que je vous le dise, que la fortune n'habite pas séant. Qu'à cela ne tienne. Si au théâtre l'on nous sert des poulets de carton et des bouteilles de bois tournées, nous précautionnons pour la vie ordinaire de mets plus substantiels. En qualité de munitionnaire de la troupe, je tiens toujours en réserve quelques jambons de Bayeul, quelques pâtés de venaison, quelques longes de veau avec une douzaine de flacons de vin de Cahors et de Bordeaux. Bien parlé, pédant. Va chercher les provisions. Et si ce seigneur le permet, et bien il souper avec nous, dressons ici même la table du festin. Il y a dans ces buffets assez de vaisselle et ces dames mettront le couvert. Je l'accompagne. Nous avons deux flambeaux de théâtre qui ne seront pas de trop pour éclairer notre repas. Bien dit, Matamor. Que votre seigneurie pratique une brèche au rempart de ce pâté, souffrez qu'on lui présente nos princesses de théâtre et nos rois de l'illusion. Je vous écoute, maître Blasius, prêt à n'en pas perdre la moindre bouchée. Voici la Séraphine, jeune femme à qui l'habitude de jouer les grandes coquettes a donné l'air du monde et autant de manège qu'à une dame de cour. Admirons son port de reine, son royaume. À sa droite, Isabelle, dont les 20 printemps constituent la plus belle parure de son emploi d'ingénieux. Isabelle avait le visage mignon, presque enfantin encore, l'œil voilé de longs cils, la bouche en cœur et un air de modestie virginale plus naturel que fin. Zerbine, notre soubrette, aussi experte à recevoir et à remettre un poulet à la ville qu'au théâtre. En passant par ses mains, plus d'une déclaration d'amour n'était pas arrivée à son adresse et le galant oublieux s'était attardé dans l'antichambre. C'était une de ces femmes que leur compagne trouve laide, mais qui sont irrésistibles pour les hommes. Dame Léonard, notre mère noble comédienne depuis l'enfance est lancée long sur une carrière dont elle a successivement rempli tous les emplois. Voilà pour le personnel féminin. Quant à moi, Blasius, je ne vous étonnerai pas en disant que je joue les pédants. Quant à ce garçon, où est-il? Ah, quant à ce garçon qui fait tout ce qu'il peut pour ne pas paraître ses 30 ans, c'est notre Léon. N'est pas une petite affaire que de représenter pour les spectatrices l'amant. Cet être mystérieux et parfait que chacun façonne à sa guise, d'après l'Amadis ou l'Astrée. Scape ! Me voici. Tête de renard, futée pointe une arquoise. Ses sourcils en accent circonflexe découvrent un œil toujours en mouvement. Et l'autre œil fait de même, comme il se doit. Le croiriez-vous, monsieur le baron, notre directeur, qui annonce Sylvain, et qu'on traite le plus souvent d'Hérode et de tyran, est au demeurant fort bonhomme, que la nature a doué, sans doute par plaisanterie, de tous les signes extérieurs de la férocité. Jamais âme plus débonnaire ne revêtit une enveloppe plus rébarbative. Et voici enfin le tranche-montagne, j'ai nommé Matamor. Maigre, âve, noir et sec comme un pendu d'été. Sa peau semblait un parchemin collé sur des os. Un grand nez recourbé en bec d'oiseau et dont l'arête luisait comme de la corne élevait sa cloison entre les deux côtés de sa figure aiguisée en navette et encore allongé par une barbiche pointue. Blasius, voyez-vous notre hôte ? Oui, Léonard, il n'a Dieu que pour Isabelle. Notre ingénue n'en paraît point fâchée. Mesdemoiselles, je vois, bien que la civilité vous fasse lutter contre le sommeil, que vous mourrez d'envie de dormir. Et je voudrais bien pouvoir vous donner à chacune une chambre, mais... Mais mon pauvre Castel tombe en ruine, comme ma race, dont je suis le dernier. Je vous cède ma chambre, la seule où il ne pleuve pas. Vous vous y arrangerez avec madame. Le lit est large et une nuit est bientôt passée. Ces messieurs resteront ici avec moi et s'accommoderont des fauteuils et des bancs. Surtout, n'allez pas avoir peur des ondulations de la tapisserie, ni des gémissements du vent dans la cheminée. Je puis vous assurer que, quoique le lieu soit assez lugubre, il n'y revient point de fantôme. Je joue les bras d'amante et je ne suis pas poltronne. Je rassurerai la timide Isabelle. Quant à notre duègne, elle est un peu sorcière. Et si le diable vient, il trouvera à qui parler. Je vais vous conduire. Trois pour une chambre, c'est bien assez. Je vais m'arranger de ce fauteuil-ci. Bonne nuit, mesdames. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonjour, mademoiselle Zerbine. Mes respects, monsieur le baron. Et je regrette que l'état de délabrement de cette demeure ne m'ait pas permis de vous recevoir de façon plus convenable. Ne regrettez rien, monsieur. Sans vous, nous aurions passé la nuit dans un chariot embourbé à grelotter sous une pluie battante. Et le matin, il nous aurait trouvé fort mal en point. Le soleil se lève et il ne pleut plus. D'ailleurs, ce gîte que vous dédaignez est magnifique. À côté des granges ouvertes à tous les vents, où nous sommes forcés de dormir sur des bottes de paille. C'est mon tabouret. Il n'en reste plus que des morceaux. Un pareil accident n'arriverait pas au Matamor. Il tomberait dans une toile d'araignée sans la rompre. Tout le monde n'a pas l'avantage d'être une montagne de chair et d'os comme toi, ni un sac à vin comme Blasius. Oh, il est vexé. Sonnez le réveil. Pierre était entré pour remettre la salle en ordre et jeter un peu de bois dans la cheminée. Cigognac le prit à part pour savoir s'il n'y aurait pas moyen d'avoir dans le village quelques douzaines d'œufs pour faire déjeuner les comédiens. Le vieux domestique s'éclipse. Vous allez faire un mauvais déjeuner, j'en ai peur. Et il n'y a pas à 6 lieues à la ronde le moindre cabaret. L'état de ce château vous dit que je ne suis pas riche. Mais comme ma pauvreté ne vient que des dépenses qu'ont faites mes ancêtres à la guerre pour la défense de nos rois, je n'ai point à en rougir. Non, certes, monsieur. Et tel qui se targue de ses biens serait embarrassé d'en dire la source. Quand le traitant s'habille de toile d'or, la noblesse a des trous à son manteau. Mais par ces trous, on voit l'honneur. Ah. Non, ce qui m'étonne, c'est qu'un gentilhomme accompli, comme paraît l'être monsieur, laisse ainsi consumer sa jeunesse au fond d'une solitude où la fortune ne peut venir le chercher. Si elle passait devant ce château, elle continuerait son chemin, le croyant inhabité. Il faudrait que monsieur le baron allât à Paris l'œil et le nombril du monde, la terre bénite éclairée par les rayons du soleil et de la cour. Là, il ne manquerait pas d'être distingué selon son mérite et de se pousser, soit en s'attachant à quelque grand, soit en faisant quelque action d'éclat dont l'occasion se trouverait infailliblement. J'y ai songé, mais je n'ai point d'amis à Paris. Et les descendants de ceux qui ont pu connaître ma famille lorsqu'elle était riche et remplissait des fonctions à la cour ne se soucieront pas beaucoup d'un Cigognac hâve et maigre arrivant de sa tour ruinée pour prendre part à la proie commune. Et puis, je n'ai point d'équipage. Je ne saurais paraître sur un pied digne de mon nom. Je ne sais même pas, en réunissant toutes mes ressources, si je pourrais arriver jusqu'à Paris. Mais vous n'êtes pas obligé d'entrer triomphalement dans la grande ville. Si notre humble char à bœufs ne révolte pas l'orgueil de votre seigneurie, venez avec nous, puisque notre troupe se rend à Paris. Telle brille présentement qui a fait son entrée pédestrement, avec son paquet au bout de sa rapière et tenant ses souliers à la main, de peur de les user. Ah, notre Isabelle a quelque chose à dire, peut-être. Oui, maître Blasius. Va, mon enfant, oublie la timidité de l'ingénue et sois la messagère des histrions nomades. Notre poète, ayant fait un héritage, nous a quittés. Et monsieur le baron pourrait le remplacer. J'ai trouvé, sans le vouloir, Dans sa chambre, à Ronsard et près du livre, un sonnet surchargé de ratures qui doit être de sa composition. Je le confesse, mademoiselle. Monsieur ajusterait nos rôles, ferait les coupures et les additions nécessaires, mmh. et au besoin, écrirait une pièce sur l'idée qu'on lui donnerait. J'ai précisément un canevas où se trouverait un joli rôle pour moi, si quelqu'un voulait donner du tour à la chose. Mais c'est que, voyez-vous, je... Mon maître, voici de quoi restaurer vos hôtes. Ah, bien. À table, s'il vous plaît. Il est temps que nous quittions ces lieux, sinon je vais perdre mon emploi. Qui t'oblige à manger, Matamor? Le repas terminé, pendant qu'on attelait les bœufs, Isabelle et Séraphine eurent la fantaisie de descendre au jardin. J'ai peur que vous ne laissiez quelques morceaux de votre robe aux griffes des ronces, car si l'on dit qu'il n'y a pas de roses sans épines, il y a, en revanche, des épines sans roses. Que dites-vous là, monsieur? On croirait que votre jardin, déprécié par son propriétaire, s'est piqué d'honneur. Regardez, voici deux petites roses sauvages. Oh, elles sont pour vous, mademoiselle. Merci, monseigneur. Merci, monseigneur. Je ne croyais pas mon parterre si fleuri. C'est vous qui avez fait éclore ces deux fleurettes, comme un sourire sur la désolation. C'est ici que finissent mes domaines. Jadis, aussi loin que la vue peut s'étendre, le mont et la plaine, le champ et la bruyère appartenaient à mes ancêtres. Il m'en reste juste assez pour attendre l'heure où le dernier des cigognacs ira rejoindre ses aïeux dans le caveau de famille. Désormais, leur seule possession. Vous êtes lugubre de bon matin. La fortune est femme. Et quoi qu'on la dise aveugle, elle distingue parfois dans la foule un cavalier de naissance et de mérite. Il ne s'agit que de se trouver sur son passage. Allons, décidez-vous, venez avec nous. Cela me chagrinerait de vous laisser dans ce manoir à hibou. Il est temps de rejoindre les autres, Isabelle. Le chariot doit être prêt à partir. J'arrive. Suis-je amoureux d'Isabelle? Je l'ignore, mais je sens une horrible tristesse m'envahir à la pensée de rester dans ce château. Aussitôt qu'il eut pris son parti, Cigognac tira Pierre à part et lui confia son projet. Le fidèle serviteur, quelque peine qu'il eût à se séparer de son maître, ne se dissimulait pas les inconvénients d'un plus long séjour au château. Il eut bientôt rempli une valise du peu d'effets que possédait le baron, réuni dans une bourse les quelques pistoles disséminées dans les tiroirs d'un vieux bahut, auquel il ajouta son humble pécule, dévouement modeste dont peut-être le baron ne s'aperçut pas. Le cheval de Cigognac fut sellé, car le baron ne voulait monter dans la charrette qu'à 2 ou 3 lieues du château pour dissimuler son départ. De la sorte, il avait l'air d'accompagner ses hôtes, Pierre devait suivre à pied et ramener la bête à l'écurie. Le char s'ébranla, les roues mal graissées crièrent, et la voûte du porche résonna sous le piétinement lourd de l'attelage. Le moment de la séparation arriva, moment pénible, car Pierre avait vu naître Cigognac et remplissait plutôt auprès du baron le rôle d'un humble ami que celui d'un valet. Que Dieu conduise votre seigneurie et lui fasse relever la fortune des Cigognac. Ah, je regrette qu'elle ne m'ait pas permis de l'accompagner. Avec si peu de ressources, je ne puis charger le hasard du soin de 2 existences. Au château, tu vivras toujours à peu près. Nos anciens métayers ne laisseront pas mourir de faim le fidèle serviteur de leur maître. Et puis, qui aurait soin de mon cheval Bayard, du chien Miro et du chat Belzébuth? C'est vrai, monseigneur. Adieu donc. Venez, baron, prendre place à l'avant entre Isabelle et moi. Vous serez mieux à même de nous parler du pays. Volontiers, mademoiselle Séraphine. Voyez donc, messieurs, le baron de Cigognac qui s'est fait chevalier d'une bohémienne. Yolande de Foy. Elle fait rire sa petite cour à mes dépens. Laissez, monsieur le baron. Écoutez plutôt ces vers. Je n'en suis pas très contente et j'aimerais vous les voir retouchés. En route ! Le capitaine Fracasse, de Théophile Gautier. Adaptation Serge Martel. C'était le premier épisode avec Éric Dufay-Cigognac, Isabelle Duby-Isabelle, Fred Persson, le tyran, Angelo Bardi, Blasius. Et Gaëtan Jeur, Jean-Noël Sissia, Éric Dodd, Bernard Bouillon, Jacqueline Parent, Francine Bouffard, Arlette Renard, Anne Rousselet, François Chaumette. Musique originale, Pierre-Max Dubois. Bruitage Alain Platiot. Chef opérateur du son Pierre Mine. Collaboration technique Serge Ristich. Réalisation Claude Chebel, Evelyne Frémy. Assistée de Marie-Rose Derouet.